Yo, yo, yo, yo, le comploteur. Aïe, aïe, aïe, aïe, tu glisses dans le vice. La plupart du temps, elle t'écarte tes cuisses. Dans les coulisses, je suis comme à tous ces caprices. Fais de l'œil à son institutrice. Elle est souvent comploteur avec les manipulateurs et les manipulatrices. Tu fais des milliards avec ta politique blasphématrice. Corruption au centre du cercle et ses maléfices. Tu parles dans le dos de tes collaborateurs et tes collaboratrices. Complètement bidon, tu retournes ta veste et ça sent le laxatif. Franchement, je te dis libéral, démocrate, mais c'est juste un préparatif. Tu mentais les industries, ça va devenir explosif. Ya ya ya ya ya. Tes intérêts grâce à la police, c'est défensif. Tu es même pas dans le dualisme, mais dans l'obscurantisme. Police du triangle et du vice, accomplissant le calendrier des maquettistes et de la marionnettiste. Ah, tu te dis pour la laïcité, mais c'est sataniste. Venant ta barque d'esclavagiste, courant à la perte de ton pays, pour que tout s'accomplisse. Ça sent les chefs des démons, le bouc du caïs. La fête de l'événement, et là c'est la... c'est ta poulie. Et certains cercles doivent s'en mettre au calpif. Les comploteurs glissent dans le vif. Aïe aïe aïe aïe aïe. Avec les manipulatrices, sa politique blasphématrice lui rapporte des milliards. Au centre du cercle, la corruption est maléfice. Il parle dans le dos de ses collaborateurs, collaboratrices. Thomas, tu retournes ta veste, ça donne la classique. Il se prépare en libéral, démocrate, mais c'est juste un préservatif. Ah pardon, un préservatif ou un préparatif. C'est mentalement de la diatrie, tu prépares. C'est pour être explosif. Protégeant ses intérêts avec la police, c'est défensif. Dans l'obscurantisme, il s'enfonce soit dans le dualisme. Ah, politique du triangle et du vice, manie les ficelles, c'est la marionnettiste. Il a conquis le calendrier pour la laïcité, prêche, mais ses actions sont satanistes. Venant sa barque des esclavagistes, il court à la perte de son pays. Les chaînes et les démons se brisent, ils jaillissent. La fête de l'événement, et là, c'est sa pouliche. Sa pouliche. Certains du siècle s'en mettent plein le pif. Le comploteur retrouve son jeu. Un perturbable stupide, primitif, le comploteur. formation-là, ils nous invitent à nous trouver. Mais c'est surtout